Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. Nous t'attendons, mon frère. Réveille-toi, ma sœur, réveille-toi. Tu deviens très lourde ces derniers temps. Tu n'arrives plus à te réveiller à 5 heures pour prier avec OSB. Réveille-toi. Est-ce que tu sais que c'est le matin qui est le moment approprié pour puiser dans les bontés de Dieu? Car il est écrit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Réveille-toi. Réveille ton voisin. Réveille ton mari si tu es marié. Réveille ta femme si tu es marié. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Nous allons lire Néhémie chapitre 12, 1 à 47. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Notre passage du jour, c'est Néhémie 12, 1 à 47. Voici les sacrificateurs et les lévites qui revinrent avec Zorobabel, fille de Shealtiel, et avec Josué, Seraja, Jérémie, Esdras, Amaria, Maluk, Atouche, Shekania, Reum, Meremoth, Ido, Ginetoï, Abija, Mijamen, Maja, Bilga, Shemaeja, Jorajib, Jedaeja, Salnu, Amok, Ilkija, Jedaeja. Ce furent là les chefs des sacrificateurs et leurs frères au temps de Josué. Lévite, Josué, Binoui, Kadmiel, Sherebia, Judas Matania, qui dirigeaient avec ses frères les chants des louanges. Bakoubia et Uni, qui remplissaient leurs fonctions auprès de leurs frères. Josué engendra Joachim. Joachim engendra Eliashib. Eliashib engendra Jojada. Jojada engendra Jonathan. Et Jonathan engendra Jadua. Voici au temps de Joachim, quels étaient les sacrificateurs chefs de la famille. Pour Seraja, Meraja, pour Jérémie, Anania, pour Esdras, Meshulam, pour Amaria, Joshanan, pour Melouki, Jonathan, pour Shebania, Joseph, pour Harim, Adna, pour Merajot, Elkaïn, pour Ido, Zacharie, pour Ginetot, Meshulam, pour Abija, Zikri, pour Benjamin et Moadia, Piltnaï, pour Bilga, Shamua, pour Shemaeja, Jonathan, pour Jojarib, Matnaï, pour Jedaeja, Uzi, pour Saltia, Kalaï, pour Amok, Eber, pour Ilkija, Ashabia, pour Jedaeja, Netanel, au temps d'Eliashib, de Jojada, de Jokanan, et de Jadua, les Lévites, chefs de famille, et les sacrificateurs furent inscrits sous les règnes de Darius, les Perses. Les filles de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans les livres de chroniques jusqu'au temps de Josharnan, fils d'Eliashib. Les chefs de Lévites, Ashabia, Sherebia et Josué, fils de Kadmiel, et leurs frères avec eux, les uns vis-à-vis des autres, étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel selon l'ordre de David, homme de Dieu. Matania, Bakoubia, Abdias, Meshulam, Tsalmon et Akoub, portiers, faisaient la garde au seuil des portes. Ils vivaient au temps de Joachim, fils de Josué, fils de Jostadak, et au temps de Néhémie, le gouverneur, et d'Ezra, le sacrificateur et les scribes. Lors de la dédicace des murailles de Jérusalem, on appela les Lévites de tous les lieux qu'ils habitaient et on les fit venir à Jérusalem afin de célébrer la dédicace et la fête par des louanges et par des chants au son des cymbales, des luttes et des harpes. Les filles des chantres se rassemblèrent des environs de Jérusalem, des villages des Netopatiens, de Beth-Gilgal et du territoire de Geba et d'Azmaveth, car les chantres s'étaient bâtis des villages aux alentours de Jérusalem. Les sacrificateurs et les lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. Je fis monter sur la muraille les chefs de Juda et je formai deux grands chœurs. Le premier se mit en marche du côté droit sur la muraille vers la porte du fumier, derrière le cœur marchaient Osée et la moitié des chefs de Juda, Azaria, Esdras, Meshulam, Juda, Benjamin, Shemaéja et Jérémie. Des fils des sacrificateurs avec des trompettes, Zacharie, fils de Jotanan, fils de Jonathan, fils de Shemaéja, fils de Matania, fils de Miché, fils de Zakur, fils d'Azaf et des frères de Shemaéja. Azarel, Milalai, Gilalai, Maï, Netarel, Judas et Anani avec des instruments de musique de David, homme de Dieu. Esdras, les scribes, étaient à leur tête. À la porte de la source, ils montèrent vis-à-vis de les degrés de la cité de David par la montée de la muraille au-dessus de la maison de David, jusqu'à la porte des eaux vers l'Orient. Le second cœur se mit en marche à l'opposite. J'étais derrière lui avec l'autre moitié du peuple sur la muraille, passant au-dessus de la tour de four. On alla jusqu'à la muraille large, puis au-dessus de la porte d'Éphraïm, de la vieille porte, de la porte des poissons, de la tour des Ananel et de la tour des Méa, jusqu'à la porte des brebis, et l'on s'arrêta à la porte de la prison. Les deux cœurs s'arrêtèrent dans la maison de Dieu, et nous fîmes de même moi et les magistrats qui étaient avec moi, et les sacrificateurs Eliakim, Maaseja, Benjamin, Miché, Eljonéa, Zacharie, Anania avec les trompettes, et Maaseja, Shemaéja, Eleazar, Uzi, Jokanan, Malkija, Elam et Ezer. Les chantres se firent entendre dirigés par Jizgracha. On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et les cris de joie de Jérusalem furent entendus au loin. En ce jour, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes, et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes des portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Car Judas se réjouissait de ce que les sacrificateurs et les lévites étaient à leur poste, observant tout ce qui concernait les services de Dieu et des purifications. Les chantres et les portiers remplissaient aussi leurs fonctions selon l'ordre de David et de Salomon son fils. Car autrefois du temps de David et d'Azaph, il y avait des chefs de chantres et des chants de louanges et d'actions de grâce en l'honneur de Dieu. Tout Israël au temps de Zorobabel et de Néhémie donna les portions des chantres et des portiers jour par jour en donnant aux Lévites les choses consacrées et les Lévites donnèrent aux filles d'Aaron les choses consacrées. Amen. Nous allons partager trois vérités tirées de ce passage. La première vérité, c'est que les serviteurs de Dieu doivent être dénombrés, c'est-à-dire on doit connaître réellement qui est pasteur, qui est apôtre, qui est tel serviteur de Dieu. Vous voyez, c'est ça l'important du dénombrement. Il fallait que ceux qui sont rentrés de la captivité, on puisse savoir qui sont réellement les hommes de Dieu appelés. Pendant ce temps-là, c'était des sacrificateurs, des lévites. Ce n'était pas n'importe qui, c'était des gens qui étaient appelés par Dieu. Il fallait être de la tribu de Lévi pour être sacrificateur ou lévite, vous voyez. Donc il est important aujourd'hui que nous puissions connaître qui fait quoi. Pas des gens qui s'improvisent ou qui s'autoproclament, mais les gens qui sont appelés par Dieu. Parce que le ministère qu'ils font est important dans la maison de Dieu. Vous voyez, il est dit au verset 1, « Voici les sacrificateurs les Lévites qui révèrent avec Zorobabel, fille de Shealtiel, et avec Josué, Seraja, Jérémie, Esdras. » Donc on commence à les dénombrer. Deuxième, et le verset 23 dit, les filles de Lévi, chefs de famille, furent inscrits dans les livres des chroniques jusqu'au temps de Jokanan, fils d'Eliashib. Vous voyez, c'est pourquoi dans certains pays, il y a même les pasteurs sont inscrits dans l'annuaire. Ils sont bien reconnus par l'État. Ce n'est pas n'importe qui doit s'autoproclamer. Vous voyez, il est important qu'il y ait de l'ordre dans ce sens-là. Deuxième vérité, c'est la place des chantres. Aujourd'hui, c'est n'importe qui se dit chantre. Il suffit d'avoir une belle voix. Il ne suffit pas d'avoir une belle voix. Il faut aussi mener une vie de consécration à Dieu. Quand nous voyons ce passage, nous pouvons voir trois vérités concernant les chantres. D'abord, ils étaient chargés de célébrer et de louer l'Éternel. Deuxièmement, c'était des gens qui conduisaient l'adoration du peuple de Dieu. Ils étaient chargés de conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Ce n'étaient pas des vedettes, des gens qui venaient chanter pour qu'on les acclame, non. Troisièmement, ils devaient marcher dans la sanctification, dans la pureté. Vous voyez, le verset 30 dit, « Les sacrificateurs et les lévites se purifièrent et ils purifièrent le peuple, les portes et la muraille. » Donc, ils devraient être des modèles. Quand nous voyons aujourd'hui les témoignages de plusieurs chantres, Très rares sont des chantres qui mènent une vie de consécration, qui ont un bon témoignage. C'est pourquoi nous devons prier aussi pour les chantres, comme nous prions aussi pour les pasteurs, afin que nous ayons des gens modèles qui sont consacrés à l'œuvre de Dieu, qui sont conscients que c'est Dieu qui appelle à ce ministère. Et quatrième élément sur les chantres, ce sont des gens qui conduisent la louange et qui apportent la joie, qui procurent la joie. Vous voyez, ici il est dit au verset 43, « On offrit ce jour-là de nombreux sacrifices et on se livra aux réjouissances, car Dieu avait donné au peuple un grand sujet de joie. Les femmes et les enfants se réjouirent aussi et les cris de joie de Jérusalem furent entendus. » Quand la louange est conduite par les personnes consacrées, ça produit la joie et Dieu fait descendre sa présence et sa gloire parmi le peuple. Troisième vérité, c'est que nous devons avoir des hommes de confiance qui sont établis dans la maison de Dieu, chargés de gérer les finances. Vous voyez ici, on a établi des hommes chargés de gérer les dîmes et les offrandes. Verset 44. En ce jour-là, on établit des hommes ayant la surveillance des chambres qui servaient de magasins pour les offrandes, les prémices et les dîmes. Et on les chargea d'y recueillir du territoire des villes des portions assignées par la loi aux sacrificateurs et aux lévites. Donc nous devons avoir des hommes de confiance. Ce qu'on appelle aujourd'hui, pour certains on les appelle des trésoriers, pour les autres les caissiers. Ça doit être des hommes de confiance qu'on établit. C'est un ministère. Ce n'est pas n'importe qui s'improvise. Et il faut que l'argent, les biens de la maison de Dieu soient gérés comme il se doit pour la gloire de Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons les louer en chantant ces cantiques. Ta lumière. de ton amour. Et quand toutes les choses pâlissaient en ta lumière, oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Gloire au Seigneur. Bénissons ensemble l'Éternel pour sa grâce, lui qui nous appelle à son œuvre. Tu es digne d'être célébré, ô Éternel notre Dieu. Il est digne que nous puissions te louer, te bénir, te magnifier, car tu es le grand Dieu créateur de toutes choses. Nous t'élevons, ô Éternel notre Dieu, toi qui as établi dans ta maison des hommes pour te louer, t'adorer. Seigneur, nous voulons réellement nous joindre aux anges, afin de te célébrer, car tu es digne d'être loué, tu es digne d'être célébré, magnifié. Sois béni, ô notre Père, toi qui sièges au milieu de la louange. Aide-nous, ô Seigneur, à te louer dans l'ordre et dans la sainteté. Merci de nous aider à te louer également dans la puissance du Saint-Esprit, car ta parole nous dit que les vrais adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Seigneur, aide-nous à le faire réellement en étant remplis de ta présence et conduits par toi. Que seul ton nom soit élevé dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission OSB, Opération sous la brèche. Néhémie 12, 1 à 47, c'est notre passage du jour. Nous venons de voir que les serviteurs de Dieu doivent être bien identifiés, bien être inscrits, reconnus, et par l'État, et par la société, et par l'Église, pour qu'il n'y ait pas un désordre. Ce n'est pas n'importe qui doit s'improviser. Prions pour qu'il y ait de l'ordre, surtout dans nos pays africains, où beaucoup de gens s'improvisent, s'autoproclament pasteurs, évangélistes, prophètes, et ceux-là qui ne sont pas appelés font beaucoup de dégâts. Prions le Seigneur. La force dans la prière, opération sur la brèche. Éternel Dieu, ce matin, nous te bénissons et nous te glorifions. Nous te disons merci, ô Père éternel, parce que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Nous te disons merci pour le soutien que tu nous donnes. Nous te disons merci pour l'encouragement que tu nous donnes. Nous te disons merci pour l'espérance vivante que tu nous donnes chaque jour en Jésus-Christ. Et nous te disons merci pour le Saint-Esprit qui nous environne, qui nous équipe et qui nous accompagne dans tout ce que nous entreprenons. Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour ceux-là que tu as appelés, ceux que tu as appelés, que tu as équipés et que tu as envoyés pour te servir, pour être tes ambassadeurs. Nous prions pour les servantes et les serviteurs de Dieu, ô Père éternel, qui ont été appelés. Nous demandons, ô Père, que dans l'exercice de leur ministère, dans l'exercice de leur mission, qu'il y ait du sérieux dans tout ce qu'ils entreprennent. Nous prions aussi, ô Père éternel, pour tous ceux qui se sont autoproclamés servantes et serviteurs de Dieu. Nous demandons, ô Père éternel, que par ton Esprit Saint, tu te révèles à eux. Et si l'appel qu'ils ont reçu est un appel authentique, tu les équipes, tu les formes et tu les envoies. Nous demandons au Père éternel que tu interviennes dans la vie de tous ceux qui se sont autoproclamés servantes et serviteurs de Dieu et qui ne veulent pas marcher dans tes voies, qui compromettent ton œuvre, qui compromettent ton ministère, afin que tu puisses jeter la lumière sur tout ce qu'ils font, qu'ils ne te louent pas, afin qu'ils soient exposés et qu'ils soient ramenés à la raison. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir la place des chantres dans la maison de Dieu. Les gens chargés de célébrer, de louer l'Éternel. Des gens qui devaient marcher dans la pureté. Des gens qui étaient chargés de conduire le peuple dans l'adoration et de procurer la joie. Prions pour nos chantres aujourd'hui, afin que Dieu suscite de plus en plus des chantres consacrés qui ont la crainte de Dieu. Et prions pour les chantres, peut-être qu'ils sont tombés, qu'ils se sont égarés, qui ont oublié ce à quoi ils sont appelés, qui se comportent comme des vedettes. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons ce matin, notre Dieu, notre Père, te dire merci pour cette révélation importante concernant ton peuple, concernant ta maison, concernant ton œuvre sur terre. Seigneur, merci, parce que tu es saint. Il faut que ceux qui t'adorent le fassent dans la sainteté. Nous prions ce matin parce que tu nous dis dans Éphésiens, chapitre 5 à partir du verset 19. Oh, les œuvres de la chair sont évidentes, ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes et les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous voulons ce matin te supplier pour que les chantres qui te louent, qui t'adorent, qui se célèbrent, qui amènent le peuple à t'adorer, à vivre dans la sainteté, dans la sanctification, dans la pureté, dans l'humilité, dans la crainte de Dieu, Seigneur, que ton esprit agisse. Viens purifier ton peuple. Gloire te soit rendue ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir l'importance de désigner, d'établir des hommes et des femmes de confiance pour la gestion des dîmes, des offrandes, de l'argent de la maison de Dieu, des biens de la maison de Dieu. Prions pour tous ceux qui s'occupent de ces tâches, afin que Dieu mette la crainte dans leur cœur. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous savons que tu es le Dieu de justice, tu es le Dieu de paix, tu es le Dieu qui sait tout, qui connaît tout. Nous te bénissons parce que dans nos communautés, dans nos commissions, dans nos églises, tu as suscité des hommes et des femmes pour la comptabilité, pour la gestion des biens de l'église. Dans certaines circonstances, tu as délégué des pouvoirs à certains frères et sœurs pour compter les dîmes et les offrandes. Mais aujourd'hui, nous constatons que parmi eux, Seigneur, il y a des choses qui se font. Il y a des retraits. Il y a de l'argent qui n'est pas déclaré. Il y a des dîmes et des offrandes qui sont mises à côté. Pour toutes ces choses, nous savons que tu n'es pas content et ces personnes sont exposées. Ces personnes et leurs familles sont exposées. Je te demande pardon. Oui, Seigneur, tu es lent à la colère et riche en bonté. Sanctifie, mets ton esprit dans leur cœur afin que ces hommes et ces femmes qui pratiquent toutes ces mauvaises activités dans l'église, qui rétient, qui soupirent, qui rétient, qui retiennent l'argent indignement de l'église, Seigneur, se repentent et abandonnent leurs mauvaises œuvres. Merci de mettre la crainte de ton nom dans le cœur de tes enfants. Merci de sanctifier, de bénir tes enfants. Merci de nous honorer en tout temps et en tout lieu. Aujourd'hui est un jour de gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous rappelons que les livrets de jeunes de spécial OSP Jéricho sont déjà prêts, disponibles à fréquence vie à 500 francs. Viens prendre ton livret parce que le jeûne va commencer ce dimanche 1er mai. Il ne faut pas que tu rates cette occasion, cette opportunité. Dimanche, nous aurons rencontre bonheur conjugal pour le couple marié au CPE. Thème, la puissance du pardon dans un couple. L'entrée est libre. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. Puissance, par son bras puissant, faisons.